cette illusion. Je m'étiole dans l'ombre. Je te vois flou derrière le rideau, tissé de mon ego. Ne me laisse pas seul. Quand je te vois lire entre mes délires, quand je veux te sourire, mais que ça me déchire, quand la gorge me serre et que ça fait mal, ça fait mal. Mais quand tu mets ma main sur ton cœur, s'effondrent mes peurs. À l'abri du vent, à l'épreuve du temps, espoir de jours meilleurs. Ma main sur ton cœur, et de joie je pleure. Que mon dernier souffle sur cette terre ressemble à ce bonheur. Où sont-ils, ma famille, mes amis, depuis que la santé m'oublie? Plus de nouvelles. Rien à faire que d'attendre l'analyse. Pendant ce temps, moi je révise mes bêtises en rafale, ça dégrise. Je connais le chemin qui mène à l'ignorance et le cul-de-sac de la dépendance. Et là, plein d'amour, tu me parles de délivrance. Quand tu mets ma main sur ton cœur, s'effondrent mes peurs. À l'abri du vent, à l'épreuve du temps, espoir de jours meilleurs. Ma main sur ton cœur, et de joie je pleure. Souffle sur cette terre, ressemble à ce bonheur. Prends ma main, prends mon corps et amène-moi avec toi, comme un soleil couchant. Que mon dernier souffle sur cette terre ressemble à ce bonheur.